Chapitre deuxième. Ayant fourré dans sa poche le crasseux papier, le commandant du König Harald sortit vivement de sa cabine et s'élança à la recherche du commissaire du bord, qu'il trouva dans un salon occupé à interroger un maître d'hôtel. « Suivez-moi, » ordonna-t-il aux deux hommes. « Nous allons dans le poste de couchage des cuisiniers. Dépêchons !» Un peu abasourdi, commissaire et maître d'hôtel emboîtèrent le pas à leur supérieur. « Où est la couchette du cuisinier Teublich ?» demanda brièvement le commandant Hansen, après avoir fait fermer la porte. « C'est celle-ci, mon commandant, » fit le maître d'hôtel en désignant un des grabats. « Bien. Veuillez téléphoner à la cuisine et ordonner à ce Teublich de venir. » Cela s'adressait au maître d'hôtel, qui, immédiatement, sortit de la cabine. Moins de 3 minutes plus tard, il reparut, accompagné d'un grand gaillard à face rasée, aux manières raides et compassées, revêtu de la tenue habituelle des cuisiniers, veston et toque de toile blanche, pantalon de coutil bleuté, torchon gras autour des reins. L'homme, impassible, dévisagea le capitaine du König Harald avec une certaine insolence, et murmura en suédois, avec un fort accent allemand, « Vous avez voulu me voir, capitaine. Vous parlerez lorsque je vous interrogerai, mon homme. » grommela Hansen, qui, se tournant vers le maître d'hôtel, poursuivit. « C'est le cuisinier Teublich, n'est-ce pas ?»« Oui, commandant, j'allais vous... »« Il suffit, Teublich. Veuillez constater que nous n'avons pas touché à votre couchette. »« Je le constate, » fit le cuisinier après un dédaigneux regard à son grabat. « Mais s'il m'est permis de poser une question, je désirais savoir ce... »« Tout de suite !» interrompit le capitaine Hansen. « Maître d'hôtel, veuillez éventrer la paillasse de cette couchette et en étaler le contenu sous nos yeux. Dépêchez !» Teublich se mordit les lèvres. Il eut un léger haut-le-corps, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Le maître d'hôtel, cependant, obéissait aux ordres qui venaient de lui être donnés. Ayant ouvert les coutures du mince matelas, il en éparpilla le crin sur le linoléum recouvrant le plancher. Plusieurs exclamations retentirent. Enfoui au plus profond de la paillasse, un petit paquet venait d'apparaître enveloppé d'un torchon graisseux. Le maître d'hôtel, très ému, s'en saisit, et sur l'invitation du capitaine, déplia le torchon et mit à jour un portefeuille de maroquin vert au coin arrondi et dont un des angles était orné du monogramme SF en lettres d'or, pour tout dire, le portefeuille de M. Samuel Veit. « Vous êtes un voleur, Teublich, » prononça sévèrement le commandant Hansen. Vous mériteriez que je vous livre à la justice. Mais je ne veux pas d'histoire. Vous débarquerez en arrivant à Stockholm. Teublich devint verdâtre. Un voleur, moi, un voleur ! Siffla-t-il en levant la main comme pour gifler le capitaine du König Harald. Arche ! Le maître d'hôtel et le commissaire se précipitèrent sur lui. Mais ils n'en fussent pas facilement venus à bout s'il ne se fût calmé de lui-même. C'est pas trop naïf, dit-il en reprenant son impassibilité. Il suffit que quelque idiot ait caché ce portefeuille dans ma couchette pour que je sois accusé du vol. Tout d'abord, il faudrait prouver que c'est moi qui ai volé ce portefeuille. Je vous en défie. Attendu que je suis innocent. Et je me réserve même de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Connaissez-vous cette écriture ? Demanda Hansen en lui plaçant sous le nez le papier gras sur lequel était écrite la dénonciation. Non, fit Teublich après avoir examiné l'écriture avec une scrupuleuse attention. Nous verrons à éclaircir cette affaire plus tard. Pour l'instant, le fait est que nous avons découvert ce portefeuille dans votre matelas, Teublich. Maître d'hôtel, veuillez prier M. Samuel Veit de venir reconnaître son bien et s'assurer qu'il ne manque rien dans son portefeuille. Allez. Le maître d'hôtel ne revint que 10 minutes plus tard, ayant dû chercher longuement le diamantaire californien. On m'accuse d'avoir volé ce portefeuille que quelqu'un a caché dans ma paillasse, s'écria véhémentement le cuisinier Teublich à l'apparition du maître d'hôtel flanqué de Samuel Veit. M. Veit tressaillit violemment et regarda les acteurs de cette scène d'un air effaré. « Ce portefeuille, Teublich, murmura-t-il, je... « Oui, nous avons découvert votre portefeuille dans le matelas de cet homme, lequel nie vous l'avoir volé, » expliqua le capitaine Hansen. « L'enquête éclaircira cela. Pour l'instant, veuillez vous assurer, monsieur, que rien n'a été pris dans votre portefeuille. » Sans répondre, M. Samuel Veit prit le portefeuille que lui tendait le capitaine du König Harald. Les banknotes américaines s'y trouvaient, mais elles étaient seules. Aucun papier ne les accompagnait. M. Veit ne les compta même pas. Rapidement, ses gros doigts explorèrent les multiples poches du portefeuille. Il se mordit les lèvres, releva la tête et prononça ces mots inattendus. « C'est en effet un portefeuille semblable au mien et qui contient des banknotes tout comme le mien. mais ce n'est pas mon portefeuille, ce n'est pas lui. Au reste, s'il était dans la couchette de cet homme, c'est sans doute qu'il lui appartient. » Commandant, maître d'hôtel et commissaire se regardèrent absolument interloqués, cependant qu'une étincelle de triomphe faisait luire les yeux gris de Teublich. « Mais cependant, monsieur Veit, objecta le capitaine Hansen, sa première stupeur passée, ce portefeuille est absolument conforme à la description que vous m'en avez faite tout à l'heure. Je m'étonne, vous êtes bien sûr, je n'ai pas l'air d'un fou, commandant, grommela l'Américain. Et je vous ferai remarquer que c'est la deuxième fois ce soir que vous paraissez mettre ma parole en doute. Je ne le supporterai pas une troisième. Ce portefeuille, bien qu'à peu près semblable au mien, n'est pas le mien. Je ne vois pas la raison autrement pour laquelle je ne le reconnaîtrai pas. Tout d'abord, vous avez paru douter que j'ai perdu mon portefeuille maintenant. Vous voulez m'en faire accepter un qui n'est pas à moi. Je vous avertis que je ne me prêterai pas à une aussi puérile comédie. J'ai perdu mon portefeuille et c'est mon portefeuille que je veux, l'original et pas la copie. Celui-là n'est pas à moi, c'est bien entendu. Et si vous n'avez rien d'autre à me communiquer, je vous prie de me laisser en paix, respirer sur le pont et ne plus m'obliger à venir sentir ces mauvaises odeurs. Quel navire mal tenu! Et sur cette diatribe prononcée tout d'une haleine, M. Samuel Veit sortit du poste des cuisines et disparut. Ce portefeuille, en effet, ne peut appartenir à M. Veit, dit tranquillement Teublich, car c'est à moi qu'il appartient. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit aussitôt? S'écria le commissaire en le regardant bien en face. Teublich ne sourcilla pas. Parce que vous ne m'auriez pas cru, étant donné que ce portefeuille ne porte pas mes initiales, et qu'en le découvrant, vous avez affirmé reconnaître en lui celui de M. Samuel Veit. Heureusement pour moi que j'ai eu affaire à un honnête homme, autrement j'étais perdu. Nous éclaircirons cela, maître Teublich, grommela le capitaine du paquebot suédois. En attendant, je garde le portefeuille, jusqu'à plus ample informé. Vous aurez à prouver qu'il vous appartient. Et vous, à justifier un pareil abus de pouvoir, répondit froidement le cuisinier, qui ajouta, non sans insolence. C'est tout ce que vous avez à me dire, j'ai mon travail à finir. Allez-y, clama Hansen exaspéré. Teublich, froidement, s'inclina et sortit. Pendant les jours qui suivirent, les recherches pour retrouver le portefeuille de M. Samuel Veit continuèrent sans succès. Quant au portefeuille trouvé dans la paillasse de Teublich, il contenait exactement 11 450 $, la somme mentionnée par le diamantaire américain. Mais cette nouvelle coïncidence n'avait en rien ému M. Veit, qui persistait malgré tout à ne pas vouloir reconnaître le dit portefeuille. Le capitaine Hansen n'en dormait plus. Il cherchait vainement à comprendre la signification de cet imbroglio, car à part lui, il était intimement persuadé que le portefeuille découvert dans la paillasse de Teublich était celui de l'Américain. Mais pourquoi M. Veit s'obstinait-il à le refuser, perdant ainsi une forte somme? Cette question, le capitaine Olaf Hansen se la posait pour la millième fois, lorsqu'en vue de Sandy Hook, vers 3 heures du matin, alors qu'il se préparait à monter sur la passerelle pour y accueillir le pilote, le maître d'hôte vint l'avertir qu'on venait de découvrir M. Samuel Veit poignardé dans sa cabine.